C'est ça, oreille. 80. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On reçoit Émilie Gauthier avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Et on discute avec Cathy Bordeneau de l'opération Vigile du samedi. Assemblage requis, tout de suite! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est le mardi 22 mars. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et on t'en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, hein? C'est bien? Tout à fait. C'est bien? Wow! Regarde-moi ça, comment ils sont beaux! Wow! Wow! Soirée d'élection hier, on a veillé tard. Oui, c'était le débat ici même à la chasse-galerie. Donc, ça a pris un peu de retard. Ça a commencé vers les 5h30. Ouais, environ. Ça a fini vers les quoi? 7h30-45 environ. Le débat a duré quand même assez longtemps. Animé avec, évidemment, plein de talent par Alexandre Gauthier. Alexandre Gauthier qui a fait un merveilleux job. Toujours. Donc, vous allez pouvoir entendre ce débat si vous l'avez raté hier en balado-diffusion sur le site cifou.ca plus tard aujourd'hui. Cool. Aussi avoir un compte-rendu de ce débat-là sur cifou.ca version textuelle. Merveilleux. Ouais. Mais aujourd'hui, à l'émission Assemblage requis, qu'est-ce qu'on a comme plan pour vous? C'est simple, on a Émilie Gauthier avec sa chronique plein air « Veux-tu sortir avec moi? » Oui, toujours très intéressant à chaque semaine. La plupart. Ben oui. La plupart des semaines. Vraiment. Sinon, on va parler de l'opération Vigile du samedi. Là, tu me demanderas, mais qu'est-ce que c'est, François? Mais c'est quoi ça, Mathieu? On l'apprendra tantôt, je vais même pas faire semblant de connaître okay. Tout le sujet. J'ai essayé, mais moi et la politique. Hein? Ouais, mais moi non plus, en fait, je suis pas très certain de saisir exactement c'est quoi. Mais de toute façon, on va avoir une personne ressource même en studio. Exactement, vers les 7h45, on va parler de tout ça. Ça a rapport avec Charest, gouvernement corrompu, etc. C'est une pétition qu'on peut aller signer en ligne sur jesignequebec.com. Bon, donc on en parlera tout à l'heure. On va aussi avoir une chronique, c'est un fait, bien évidemment, pour se renseigner. À un moment donné, c'est ça les vraies affaires, là. Oui. Ça, c'est important. mais pour l'instant, on débute l'émission en musique. Voici notre ami Jérôme Dupuis-Cloutier et Homme d'instinct. Une race en voie d'extinction. Vous ne pouvez m'emmener dans le train de l'évolution. Je ne bouge pas tant que j'ai faim. Juste de moi, je couche. belle étoile. Ça fait longtemps que je vis mon errance dans le dépassé d'une autre voie lactée. Almost, c'était la pièce Birmingham, précédée de Jérôme Dupuis-Cloutier avec Homme d'instinct dans Assemblage requis. Juste pour vous dire en passant que l'article sur le débat d'hier soir est maintenant sur le CIF.ca et sur notre page Facebook. Donc, si vous n'êtes pas encore au courant de ce qui s'est passé, c'est là qu'il faut aller. Bon résumé. Mais en fait, je ne l'ai pas tout lu encore, mais... On sait qu'il est bon. Ben, en tout cas, pour ce que j'ai vu, là, ça semble très bien. On ne mettrait pas n'importe quoi sur notre site quand mais même. Mais non, voyons donc. Voyons donc. Hey, puis d'ailleurs, c'est le temps de voter. Oui. Donc, les étudiants peuvent voter par leur portail étudiant. Donc, aujourd'hui, demain et jeudi. C'était depuis minuit qu'il vient d'arriver là, jusqu'à minuit jeudi soir. Et puis, les résultats vont être révélés à 11h30, vendredi. C'est super excitant. Ça va avoir lieu ici, dans le pavillon des Rébauchemins. Oui. Ça va être fort intéressant. Oui. Voilà, on publiera les résultats sur Facebook aussi. Oui, oui, exact. Bien et sûr. Puis lundi prochain, en fait, on fera un petit... récapitulatif. Oui, exactement. Comme on aime si bien le faire et le dire. Tout à fait. Mais le pire, c'est qu'on dit et on le fait. Okay, on fait pas juste parler dans les airs de même. Là. Ben voyons donc. Est-ce que c'est notre genre? Ben voyons donc. Ben voyons donc. Donc, vous êtes toujours Assemblage Requis. On va tourner en musique tout de suite pour pouvoir mieux revenir tout à l'heure. Voici Tokyo Police Club et la pièce Gun. Gun. 89 FM. Fusil? Non. Non? Comme partie. Oh! Oh! Gone to the coast, gone to the coast, girl, let my head down, down. Out on the beach, where I let my ship sail. Gone to the coast, girl, let my hair down. Out on the beach, where I let my ship sail. 'Cause I don't know what I want, I don't know what to think with both the currents strong. And I don't know about you, tell me something that I'm supposed to do. Runners don't run to me, runners don't say the same old things. Racers don't bother me, racers don't say the same old things that you always do. Gone to the coast, gone to the coast, where I let my hair down. Out on the beach, where I let my ship sail. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Alléluia, tu sais comment prendre.

Manajub avec la pièce Synesthésie dans Assemblage Requis au 89.1 FM. Quelle excellente pièce du nouvel album La Caverne qui sort en avril. En avril. Je ne savais pas que tu disais Manajub comme ça. Je t'entendais juste dire Manajubi. Ouais, ben c'est plus beau. C'est plus beau, c'est pour ça que j'étais un peu surpris ce matin. Là. C'est Worldwide International. Manajubi. Manajubi. Manajubi. Ah, et sûrement qu'ils doivent commencer à se faire appeler comme ça pas mal souvent. Peut-être. Au début, c'était peut-être original quand ils étaient qu'au Québec, mais là, maintenant qu'ils sont partout. International. Bref, c'est ça, vous êtes toujours à Assemblage Requis. On est à quelques minutes d'une entrevue avec les gens de l'opération du Vigile du samedi. Opération Vigile du samedi. C'est eux qui ont la pancarte, là, charret, tu sais. Mais comme charret, mais arrêt, comme le wow. Arrêt stop, là. OK. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Pour un peuple souverain. Voilà. OK. Mais pour l'instant, on retourne entendre en musique Peter et Oma. Je laisserai les marées passent. Me raccompagner jusqu'à chez moi. J'implorerai le temps qui passe de cesser de passer par là. La nuit est jeune à ce qu'on dit baliverne. La nuit est vieille et périssable. Elle est inflammable. Homme. Ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh ma, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh ma, oh ma. Chez elle, à me regarder mourir de honte. Il y a à boire et à fumer mes îles. Il n'y a rien à croire. Une tumeur, médaille d'or, a dévoré mes espoirs olympiques. Je n'ose plus sortir dehors. J'ai peur de m'y perdre encore. Ma, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh ma, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Assemblage requis jusqu'à 9h. We'll be right back. The Undertow. Rock and roll, man! All night, party every day. The Megaphonic Thrift à Assemblage Requis au 89 FM. L'émission qui conseille votre journée à partir de matériaux de qualité. Et les matériaux de qualité, aujourd'hui, ils s'en viennent après 7h45, finalement. Oui, oui, ça commence là. Et après là, ça, on bâtit sur du solide. OK. Hein? C'est ce qu'on est. Oui, des bases solides, là, des pattes. Puis après ça... On détruit ça. On détruit ça à 9h. Hey, attends une minute, c'est pas fin pour l'émission de 9h. Ben c'est pas vrai. On est quel... Hey, c'est moi à 9h le mardi. Voyons donc, François, c'était fou à 9h. Non, mais c'est ça, mais c'était fou, repose sur des bases solides. Okay. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Je voulais pas dire que. Je voulais certainement pas dire que ça. C'était très bien pris. Et ça me rappelle au débat hier, je sais pas si t'as entendu ce bout-là, et là, je dirais pas c'est qui a dit ça, puis en fait, je m'en rappelle pas, puis c'est pas vraiment important. Mais la personne dit j'aimerais ça faire que les étudiants, pour le sentiment d'appartenance, j'aimerais ça faire que les étudiants aient l'impression que l'UQTR est une grande université. L'impression. L'impression s'est repris parce que c'est une grande université. Ah, tu sais? Oh, bah. T'en es sauvé. T'en es sauvé, pas pire, tu sais, je trouvais. Non, c'est intéressant le débat, mais tu l'as tout écouté. Pas mal au complet, ouais. Donc, tu as trouvé ça intéressant? Oui, c'est intéressant. Oui. Les candidats avaient des choses à dire. La plupart, c'est évident qu'il y en avait qui avaient peut-être des petites lacunes et puis que peut-être qu'ils ne gagneront pas le vote, naturellement. On s'entend là-dessus. Ça peut arriver, tu sais, des fois moins d'expérience. Ben, il y a toujours un gagnant, un perdant. La plupart du temps, dans un concours, c'est un gagnant et un perdant, en effet. C'est très bien dit. L'animation était parfaite dans ce sens où les règles étaient enforcées par Alexandre Gauthier. Donc, vraiment... Oui, oui, oui. Aussitôt que quelqu'un a dépassé la minute, c'était comme, ta minute est finie. Ouais, ouais, ouais. Pour que ça soit juste pour tout le monde. Ben, c'est ça, parce que si quelqu'un dépasse et puis que l'autre dépasse pas, ben, c'est pas juste pour la personne qui peut dépasser puis que tu vis les règles. Ah, c'est ça. Donc, tu donnes les mêmes pour tout le monde. Par contre, j'avoue que 30 secondes, des fois, c'est un petit peu court. Oui, c'est très court. T'as pas grand chance de dire grand chose. Mais, par contre, de l'autre côté, les candidats savaient très bien et avaient accepté les règles de 30 secondes. Donc, à la place de niaiser puis tourner n'importe pas quoi, du pot. C'est ça, là. Bam. Arrête les petits blablas, ils disent, vous êtes donc ben fin puis moi, je suis donc ben beau. Non, non, gars. Droit au but, réponse, tu sais. De toute façon, si on veut la réécouter, c'est ça, ça va être disponible sur le site internet de C'est Fou. Exactement, sur le cfou.ca et puis évidemment sur la page Facebook de C'est Fou où on vous tient au courant depuis la semaine passée avec les entrevues de tous les candidats. En passant, si vous avez raté chacune des entrevues, les petites entrevues qu'on a fait de 3-4 minutes avec chaque candidat, c'est sur la page Facebook. Oui. Le débat complet sur Facebook, le résumé textuel sur Facebook, tout est sûr à Facebook et aussi sur le cfou.ca. Donc, c'était comme un genre de portail, comme ils appelaient sur la toile de l'internet. Du superhighway de l'information. C'est ça. Tout transige via les internets. Par là. C'est par là-bas. C'est comme un gros tuyau, si on veut. Si on l'explique en image, ouais. C'est un gros tuyau. Et puis, d'ailleurs, les étudiants peuvent aller voter à partir de maintenant. Oui, depuis minuit hier soir jusqu'à minuit jeudi soir, les 22, 23 et 24 mars. C'est sur le portail étudiant. Vous cliquez, il y a des photos, il y a les noms des candidats. Il n'y a aucune façon de se tromper là-dedans. Hein. Mm. C'est direct avec des petits boutons radio. Oui. Comme sur les formulaires web. Là, c'est tac-tac-tac. Il y a les belles photos aussi. Oui. Les mêmes photos que vous voyez sur les différents babillards ici à l'université. Donc, toutes les façons sont bonnes pour s'informer et toutes les raisons sont pas bonnes pour ne pas voter. Tu comprends là-dedans? T'sais? Toutes les raisons sont pas bonnes pour ne pas voter parce que c'est pas les bonnes raisons. Pas, c'est nul. C'est ça. Voilà. Cool. C'est cool, hein? Les résultats, en passant, seront dévoilés vendredi à 11h30. C'est très important de se renseigner sur ça parce que c'est le futur de l'AGE qui en dépend. Et l'AGE, c'est vous. Barouette, ils vont t'engager, Mathieu. Ouais. Bonne chance si c'est le cas. Alors, on va retourner en musique, François. Toujours en attendant les gens du Vigile qui vont venir nous parler dans quelques minutes à peine. Mais pour l'instant, on va aller entendre une pièce de la compilation des Francouvertes qu'on adore. Oui, c'est très bon. Pourquoi donc pas? Le concours se continue. C'est continué, hier soir, le 21 mars, avec les Hand Claps, les Incendiaires et Harvey. On va aller écouter donc, pourquoi pas, les Hand Claps qui sont sur les palmarès de C'est fou en ce moment, avec la pièce Cliché au 89.1 FM. Et ça, c'est dans vos oreilles, François. Et dans ta face. Dans ta face, dans vos yeux, si vous êtes sur Internet aussi. C'est pas aussi intéressant à regarder une radio sur Internet, mais quand même. Non. Pas si pire. Construite à partir de matériaux de qualité, assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures.

Mumford & Sons avec The Cave. J'adore ça. Oui. Je trouve ça très, très bon. Oui. Oui, Mathieu. Oui, François-Olivier. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On en a une deuxième pour vous tout à l'heure avec Émilie Gauthier, sa chronique plein air « Veux-tu sortir avec moi? » Aujourd'hui, de quoi elle nous parle, François, devine? Oh, je sais pas, de sentier? De sentier, en effet. Elle nous parle de la ville de Québec. Oh! Oui, avec le secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne, le centre Ski Neuf, le centre nature Saint-Basile, le centre de plein air Dansereau et le parc familial des Berges. Oh! Tout dans la région de Québec. De Québec, c'est tout à l'heure dans Veux-tu sortir avec moi. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va faire une chronique, c'est un fait. Yeah! Alors, restez avec nous, l'info campus s'en vient. C'est fou. 80. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage Requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage Requis au 89,1 FM. C'est fou, la deuxième en plus de Trois-Rivières. De Trois-Rivières. Trois-Rivières. Hey, c'était la voix de quoi, ça? C'était la voix d'un petit bonhomme. Ah. Faladon, moi? Attends un peu. Non, je suis plus capable. Oh. Je suis plus capable. Non, ça c'était Crazy Matt. Ouais, c'est ça. Moi, c'est une chose à la fois, on a appris aujourd'hui. Crazy, crazy, crazy. C'est fou, fou, fou, fou, fou. Ça, je peux la faire, par contre. Je peux la baisser cette pub-là. Non. On s'est tanné, je pense. Voici Your Spring de Hey Rosetta. On se tanne de bien les pubs que je fais parce que c'est comme des sketchs pas drôles, mais. Tu dis comme. c'était drôle une fois, semi-drôle. Là, tu fais comme. Ouais, plus très, très drôle. Puis là, tu fais comme. On la jouera plus. Elle était bonne pour elle. Pas si pire. Long we were searching these serpentine streets for the signs of a spark. Fucking around in the dark. And long we were held in the thrumming and desperate heat of the clubs. Drinking deep from that. Drink it up. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Armistice et Mission Bells à Assemblage requis. On dirait qu'il fait chaud. Oui. Oui. Avec Armistice, là. Oui. L'impression d'être dans le sud, sur le bord de la plage. Et... J'enlève ma veste en ce moment. T'es pas obligé de t'aller vêtir. Je vais une chose à la fois. Hein? Le reste, à 9h. C'est moi qui te rend comme ça, là, qui te rend si chaud ou... Ouais, ben t'as pas remarqué à tous les jours de la semaine, lundi ou jeudi, 7h à 9h, non? Non, j'ai remarqué le mardi aux alentours de 8 heures. Mais qu'est-ce qu'il y a le mardi aux alentours de 8 heures dans mes vagues? Je sais pas, mais tu te mets à avoir chaud, là. Tu dégages beaucoup de sex appeal. Okay, je pensais aller juste dire que je devrais peut-être sortir dehors prendre l'air, mettons. Voici, veux-tu sortir avec moi? Bonjour, Émilie Gauthier. Allô. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, vous avez l'air d'avoir chaud, les gars. Un peu? Oui. C'est ta présence. C'est pas la petite neige de cette nuit qui vous a fait ça? Non, ouais. Non. Ben, non. C'est parce qu'on est arrivé de bonne heure et puis un matin, on s'est dit on se gâte. Ah. On se gâte et quand on arrive de bonne heure, on se relaxe. Tout est permis à cette heure-là. Ouais. Parfait. Voilà. Il y a personne qui est là pour nous juger. Hein, Émilie?

Étrange, mais j'aime bien. Oh oui. Spécial. Spécial, mais bon. C'est bon. C'est bon. Oui. Civilization de la formation Justice, qu'on vient de découvrir ensemble ici à Assemblage Requis. J'aime ça. J'aime ça. Oui, oui. Ouais, c'est sur le palmarès de wearehunted.com, un site que j'aime bien aller visiter une fois de temps en temps pour connaître des nouvelles choses musicales. Wearehunted.com. C'est un palmarès de la musique underground. Il y a aussi de la musique populaire, évidemment, dessus. Okay. Mais entre autres, un palmarès alternatif et underground. Voilà, donc vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il nous reste 28 minutes environ ensemble dans cette émission. Et pourquoi ne pas perdre plus de temps avec et retourner en musique? Oui. Une dernière fois, avant de revenir avec ma chronique, c'est ça que tu voulais dire? Oui, mais je pensais que tu allais enchaîner avec ta chronique, mais ça me convient parfaitement. C'est une bonne idée aussi. On pourrait faire ça. Non. Non? Ta première idée est toujours la meilleure. Oh, ah, c'est vrai ça, par exemple. On le dit pas assez souvent, la première idée, hein, pense-y même pas, c'est toujours la meilleure. Ah, exact. Quand tu te remets en question, là, tu défais tout. On revient au début. Ouais. Bon. Donc, on retourne écouter Yesayer. Et là, je te laisse choisir, est-ce que tu as envie d'écouter Emblem Gulp? Mondegreen. O.N.E. Oh. Ah. Mondegreen, il veut Mondegreen, ça paraît. Ça paraît dans ma face, hein. On la fait pas jouer si souvent que ça. Voici Yesayer et Mondegreen. Ah, t'es fin. Juste pour toi, gars, ça, je te dédicace ça comme les rappeurs disent. Vas-y. Je te signe ça dans la face. Dans la face. Dédicace, ça veut dire faire ta signature dans la face. Attention. Ouais. Hey, j'écrase ta tête, avec mes doigts. J'écrase ta tête. Ah, oh, bah. C'est pas ma tête, ça. François-Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées.

seven dreams that started to burst at the seams. Save the sailors, don't wanna know that it's time to let this thing go. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Tous les Est-ce que tu joues encore au Schtroumpf? Non. C'est fini, ça? Non, c'est effacé de mon téléphone. T'as enlevé les Schtroumpfs juste parce que t'étais trop accro, hein? C'est ma copine qui l'a effacé. Ah non! Mais sur mes demandes à moi, en fait, j'ai demandé d'effacer mon village de Schtroumpfs. Parce que c'était rendu, ça prenait trop de temps. Ouais, exactement. Et puis, mais ça n'a pas de fin, ces jeux-là. Et puis, Et pas de but non plus. Non, c'est ça, exactement. Alors, je me suis départi de ça et j'en download plus jamais. Tu joues plus à aucun jeu? Non, mais des jeux, oui, mais pas ce genre de jeu-là où tu te logs à chaque jour. Et de voir, comme les Tamagotchi, prendre soin de ton jeu. Oh, ouais, c'est ça, exactement. Non. Ouais. Bon, je te conseillerais des jeux. Parfait. Cut the Rope. Entre autres. Il faut vraiment que tu essaies. Cut the Rope, là, c'est vraiment bon. Mais il est payant. Il y a une version gratuite aussi, si tu veux l'essayer. Okay. Bref, c'est la fin d'Assemblage requis. On vient d'entendre Gatineau avec Karaoke King sur le palmarès francophone. On se retrouve demain matin à 7h avec plus de choses. On va voir Maxime Lemieux-Laramé demain dans l'émission avec ses télécharges, quoi. Tout à fait, et on va voir la chronique, là, justement. Oui, de Kiro. Le département de chiropratique. Tout à fait. On vous rappelle que demain, il y a une assemblée générale de grève. C'est demain, le 23 mars à 11h30, au 10-12 Néré-Beauchemin, en vue de participer à une journée de grève le jeudi 31 mars contre la hausse des frais de scolarité. On vous en reparlera demain de cette situation spéciale. Restez à l'écoute pour C'était fou que j'anime à 9h où on rembobine C'est fou jusqu'en 2005, je crois. Oh ouais! Si je me rappelle bien. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Bonne journée, François. Bonne journée, Mathieu. Vous aussi, les requins à la maison. Tout à fait. Profitez de la journée, là. Le plus possible. Le plus possible. Le plus possible. Le plus possible. Le plus possible. S'il vous plaît. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.